Sors de mon chemin, sors de mon chemin. Personne ne peut stopper le messager du mur de Jarastafara. Sors de mon chemin, sors de mon chemin. Personne ne peut stopper le messager du mur de Jarastafara. Okay.